Seul, seul, pourquoi tu vas changer de cercueil? Seul, pourquoi la souche vit seul, pourtant seul, pourquoi tu vas changer de cercueil? J'ai caché de tous ces confins et leurs pensées. À défoncer la branche, j'ai pensé. Dans mes lignes sont chargées, j'ai chargé mon flanc quand je suis tranché. À l'heure des malsaines et renfermé, je dois clasher ma haine sur ces SS. Les empires des incomplexes, pas changer d'indexé. Fusiller les blessés, pas se barbeler dans nos quartiers. Classé, trop cassé, la sentence va tomber. Je vais préparer la chaîne, la crémogène. Seul, comment tu vas changer de cercueil? Seul, la souche vit seul, seul, comment tu vas changer de cercueil? T'as des lieux, la haine en antifasso que t'en penses. Que taille, taille, sur les mains cachées en pénitence. Taille, taille, sur les peuples primés à outrance. Et que taille, sur les femmes après cette bataille. Déterminé à tout casiner. Dans la rue, à tout juger. On va tout faire brûler. Ton crime dans l'humanité qui va enfin payer. Partager la souffrance de ses opprimés. On a chaîne, la crémogène. Seul, comment tu vas changer de cercueil? Seul, la souche vit seul, seul, comment tu vas changer de cercueil? Le pen marine quand Jean-Marie fasciste et tous les mecs du FN plantés de haine raciste. D'ailleurs je t'assure tu trouves un skin tueur en tueur de brouille pour lui couper les couilles. Oui, lui mettre une tôle ma couille à la Caritanov, fais péter la Polyakov prends ta Kalashnikov. AK-47 est prêt, passe la peine pas dans la tête, ça y est, il est carpet canet. On a la chaîne, la crème au chêne, le crime est démogé. Seul, comment tu vas changer de cercueil? Seul, la souche, je suis seul, tout seul, comment tu vas changer de cercueil?